Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'histoire de la traque et de la mort d'Oussama Ben Laden. Après de nombreuses discussions avec les principaux concernés, il était clair pour moi que ça allait être notre meilleure chance d'avoir Ben Laden. Si ce n'était pas lui, le coût allait surpasser les bénéfices. Nous allions perdre la face aux yeux du monde, car il aurait été très difficile de garder le secret une fois l'opération lancée. C'est ainsi qu'en mai 2016, le président américain Barack Obama confie son souvenir de la nuit du 1er au 2 mai 2011, où il allait mettre fin à une traque de près de 10 ans à la recherche du commanditaire des attentats du 11 septembre. De cette opération victorieuse, on n'a finalement que très peu d'images. Il y a la photo officielle, celle du président et de ses conseillers enfermés dans une pièce, retenant leur souffle devant les caméras de télévision et l'avancée de l'opération, on l'a tous vu. Il y a la photo manquante, celle de la cible. Et puis, il y a la bataille des mots, le scénario officiel dicté à la presse au lendemain de l'événement, et peu à peu, les révélations de témoins et de journalistes qui égratignent un peu le récit officiel. Au cours de cette émission, nous reviendrons donc sur la traque de Ben Laden, l'ennemi numéro 1 de 2001 à 2011, de son avènement dans les cendres de Ground Zero à sa fin dans une résidence au Pakistan. Pour évoquer l'assaut des forces spéciales américaines, nous avons fait le choix de faire entendre, grâce à des lectures, la parole de l'un des membres du commando de l'opération Geronimo, qui a choisi le pseudonyme de Mark Owen. En seconde partie, nous recevrons Jean-Pierre Filiu, professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, auteur notamment des 9 vies d'Al-Qaïda, mais aussi d'une série de bandes dessinées, Les meilleurs ennemis, en 3 tomes, et dernièrement de l'ouvrage Le miroir de Damas, sur l'histoire, comme son titre l'indique, de la Syrie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec la collaboration des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Priolet-Izard, programmation musicale Muriel Pérez, voix Aurélien Labruyère, réalisation Fabrice Laigle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avril 2011, Washington, Maison Blanche. 3 ans après son élection, le président Obama doit prendre l'une des décisions les plus importantes de son mandat, donner ou non le feu vert pour une mission secrète sur un territoire étranger où se trouverait l'ennemi numéro 1 des États-Unis, Oussama Ben Laden. Voilà plusieurs mois que la CIA pense avoir retrouvé la trace de ce fantôme qui hante les Américains. Il serait au Pakistan, dans une ville de plus de 100 000 âmes. Le leader terroriste vivrait dans une importante propriété sécurisée dont la plupart des locataires ne sont pas identifiés. Ces jours-là, le directeur de la CIA n'a aucune preuve matérielle de la présence de Ben Laden à livrer au président. Ni photo, ni vidéo, ni témoignage. Alors, que faire? 3 options s'ouvrent à Barack Obama. Attendre pour avoir la certitude que l'information est vraiment crédible, au risque de voir s'échapper une nouvelle fois l'individu. Détruire la résidence à distance, à l'aide d'une frappe aérienne, comme le préconise le secrétaire à la Défense, mais c'est s'exposer à des dommages collatéraux et à l'impossibilité de confirmer la mort de Ben Laden. Ou enfin, lancer une opération commando sur place et fondre sur la cible. Depuis plusieurs semaines, dans le plus grand secret, l'équipe des forces spéciales de SEAL Team 6 se prépare à cette dernière option. Parmi ses membres, Mark Owen. Comme pour n'importe quel Américain, Ben Laden le hante et il ne pensait jamais retrouver sa trace. Alors, quand on le convoque au printemps, il ne se doute de rien. Ils me conduisirent dans une salle de conférence qui servait de centre d'opération. Des ordinateurs portables et des imprimantes étaient disposés sur des tables pliantes. Il y avait plusieurs cartes du Pakistan au mur. L'une d'elles était en fait un plan de la ville d'Abbottabad. On l'appelle le promeneur parce qu'il marche pendant des heures. Il le voit souvent dans cette cour. D'après les types des renseignements, il sort dans ce jardin pour faire de l'exercice. Il pense que le promeneur est Oussama Ben Laden. Le théâtre des opérations est une grande résidence avec une maison principale et une annexe située en plein cœur d'un quartier résidentiel d'une grande ville du Pakistan, Abbottabad. Les services américains l'auront produite en maquette. Le plan imaginé se déroule ainsi. L'opération commence en Afghanistan avec 2 équipes. 2 hélicoptères et 2 appareils de secours. Au sein de la résidence, 4 hommes avec leurs femmes et enfants ont été localisés. La maison est protégée par de hauts murs avec d'importants portails. Mais est-elle piégée? Peut-être. Existe-t-il un tunnel? Peut-être. Est-ce bien Ben Laden? On l'espère. Pendant des jours, le commando répète les gestes, évalue tous les risques, imagine tous les scénarios. Après quelques semaines, l'équipe embarque pour l'Afghanistan. Allemagne, Bagram, puis Jalalabad, à l'extrémité est de l'Afghanistan. Au troisième jour après leur arrivée, un commandant annonce « Ok les gars, l'opération a été approuvée, elle démarre demain soir. » Le 29 avril 2011, après une nuit de sommeil, Barack Obama donne son accord. Pour n'éveiller aucun soupçon, le président n'annule aucun de ses rendez-vous. Le soir même, il est présent au dîner des reporters accrédités à la Maison Blanche. Il s'éclipse juste quelques minutes pour rejoindre le commandant en charge de l'opération. Le lendemain matin, le jour J, Obama joue au golf, comme chaque dimanche. Par chance, la pluie s'invite au 9e trou. Alors, il rentre à la Maison Blanche pour rejoindre la Situation Room, le QG de l'opération Ben Laden. À 10 000 km de là, à Jalalabad, le soleil se couche, mais le soldat Owen ne trouve pas le sommeil. Il vérifie son matériel, relie le petit livret plastifié dans lequel se trouve une vue aérienne de la résidence, ainsi que des photos de Ben Laden. Après un dernier briefing, il monte avec ses frères d'armes à bord d'un bus qui l'amène sur les lieux du décollage. Les hélicoptères prêts, on a ouvert le portail et les appareils ont roulé vers l'extérieur. J'ai consulté ma montre, nous avions encore 10 minutes. Je suis allé m'allonger un peu plus loin sur le tarmac. Pendant une seconde, je me suis détendu. Finalement, le chef de bord nous a donné le signal de monter. La portière a claqué, l'hélicoptère est monté et est resté en vol stationnaire. Puis exactement à l'heure dite, il a décollé du tarmac. Une fois hors de l'aéroport, il a viré à droite et a pris la direction de la frontière. Dans la Situation Room, tout le monde écoute le directeur de la CIA, Léon Panetta, qui relate à distance l'opération au président par vidéoconférence. Au bout d'une heure, il annonce « Ils viennent de passer la frontière ». Alors, les visages se ferment, les regards fixent les différents écrans. Chacun retient son souffle et se remémore ces 10 années de trac et de cauchemars qui ont commencé le 11 septembre 2001. France Inter. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Après le crash du premier avion, il y en a eu un second. Il venait du sud et a heurté la tour sud vers le haut de l'immeuble. Ça ne peut être qu'une action terroriste. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Septembre 2001, début d'un nouveau siècle et des années Al-Qaïda. Ce matin-là, à New York, deux avions de ligne percutent à quelques minutes d'intervalle les deux tours du World Trade Center. 56 minutes plus tard, la tour sud s'effondre, puis la tour nord. Manhattan sombre dans la poussière et dans le silence. Devant nos écrans de télé, nous nous souvenons tous de ces images d'une cité attaquée où une fumée noire et grise cache l'horizon et s'élève vers le ciel. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis sont la cible d'une attaque de grande ampleur, au cœur même de leur territoire. 4 avions chargés où se mêlent terroristes et simples passagers. 2 à New York, un autre sur le Pentagone, un dernier en rase campagne qui n'a pas pu atteindre la Maison Blanche. Bilan, 2977 victimes. Mais qui est le commanditaire de ces attaques ? Très vite, un nom revient dans la presse et dans les interventions des spécialistes. Oussama Ben Laden. Ce jour-là, pour la plupart d'entre nous, il est un inconnu. Pour les services de renseignement, il est un nom dont on ne s'est apparemment pas assez méfié. L'Amérique est à sa recherche depuis l'été 98. Cette année-là, le 7 août, les ambassades américaines situées à Nairobi, au Kenya et en Tanzanie sont victimes d'attaques suicides. Deux semaines plus tard, le président américain Bill Clinton riposte et autorise des frappes en Afghanistan où se serait abrité le responsable de ces attaques, un certain Oussama Ben Laden. Les mois passent, les agressions se poursuivent, mais le terroriste d'origine saoudienne poursuit ses activités sous la protection des talibans. Arrivé à Kaboul en 96, ces fous de Dieu règnent en maître sur presque l'ensemble du pays. Seul le nord, où sont présents les hommes du front uni du commandant Massoud, résiste. Pour ce dernier, Ben Laden est un mal dont l'Amérique et les puissances occidentales devaient se tenir prêts. À chaque fois qu'il rencontre des émissaires politiques ou des journalistes, le Tché afghan parle d'Oussama Ben Laden, comme lors de cette interview en 2001. Osama Ben Laden, en Afghanistan, Oussama Ben Laden a commis de nombreux crimes. Lui et les gens qui lui sont assimilés ont tué des milliers d'Afghans. Ils ont tué, brûlé des maisons, détruit des récoltes. Je pense qu'Oussama doit être jugé en Afghanistan par les Afghans pour les crimes qu'il a commis ici. Ce sera la dernière interview du commandant Massoud. Quelques semaines plus tard, le 9 septembre 2001, Massoud meurt assassiné par deux terroristes qui se sont fait passer pour des journalistes. Après la chute des tours new-yorkaises, dans les salles de rédaction comme au sein des états-majors, il n'y a plus vraiment de doute sur l'identité du responsable de ces différentes attaques. Dès le 15 septembre, George Bush le confirme et fait d'Oussama Ben Laden le suspect numéro 1. Il n'y a pas de doute, il est ce qu'on peut appeler le suspect numéro 1. Et s'il croit qu'il peut se cacher et échapper aux États-Unis et à leurs alliés, il se trompe gravement. Mon message, c'est que tout Américain qui porte l'uniforme doit se tenir prêt. Les États-Unis feront ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Deux jours après, le président américain lance la traque. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Ce que dit George Bush est très clair. Je veux la justice. Il y avait une affiche du temps de la conquête de l'Ouest, recherchée mort ou vif. Le lendemain, la formule du président est reprise à la une du monde entier. À chaque intervention, George Bush se veut de plus en plus martial et sûr de lui. Il promet à ses compatriotes de mettre tous les moyens en œuvre pour neutraliser Ben Laden et ses soutiens. Le 20 septembre, il exige des talibans la livraison de tous les dirigeants d'Al-Qaïda qui se cachent dans leur pays, dont Ben Laden. Peu à peu, la tension monte, la guerre prend forme. Pendant ce temps, Ben Laden sort de l'ombre. Le 4 octobre, la chaîne arabe Al Jazeera diffuse pour la première fois une vidéo inédite et non datée où l'on aperçoit Ben Laden marchant dans les montagnes afghanes. Trois jours plus tard, alors que les premières frappes aériennes américaines et britanniques frappent l'Afghanistan, il s'exprime via une vidéo transmise une nouvelle fois à Al Jazeera. Le chef d'Al-Qaïda promet aux États-Unis de ne plus jamais connaître la sécurité. Peu importe, la coalition internationale poursuit l'offensive. Début novembre, le leader terroriste quitte Kaboul, dont les lignes de défense s'effondrent les unes après les autres. Selon les services secrets de renseignement, Ben Laden rejoint alors les montagnes de Tora Bora, qui était son refuge lors de la guérilla antisoviétique. L'offensive américaine s'organise alors sur deux fronts. Un mouvement vers le sud, autour de Kandahar, où se trouvent les forces talibanes, et un second autour des montagnes de Tora Bora, où serait Ben Laden. Début décembre, on pense ainsi qu'il est pris au piège. Le commandant Zaman descend de la montagne, de la ligne de front triomphale. Il sort de son pick-up face à une nuée de micros et de caméras. Tout est fini, Al-Qaïda est fini. Et c'est la dernière journée d'Al-Qaïda en Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? 200 sont morts. 200 morts. Et Ben Laden, où est-il? Ah, je ne sais pas où est Ben Laden, peut-être que vous savez très bien. Ben Laden n'est pas ici. Il est où? S'il existe là, c'est notre responsabilité de l'attraper. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Pendant plusieurs jours, ces montagnes constituées de cavernes et de souterrains sont bombardées, sans relâche. Selon les services de renseignement secrets, la présence de Ben Laden est confirmée. Pourtant, il n'y a qu'une centaine de commandos américains sur la zone. Car ce sont en fait les miliciens afghans qui se chargent de la plus grande partie de la traque. Les jours passent, Ben Laden reste introuvable. Chaque grotte est visitée, fouillée, les corps des terroristes morts sont scrutés, étudiés. Mais rien n'y fait, l'ennemi numéro un s'est volatilisé. Comme le confirme Colin Powell dès le 16 décembre. Cette phase de la campagne se déroule très bien. Al-Qaïda est sinon totalement détruite, en tout cas en train d'être détruite en Afghanistan. Mais rappelez-vous qu'il y a encore beaucoup de cellules d'Al-Qaïda qui sont toujours actives dans le monde et nous devons aller les chercher. Ce sera une longue campagne. En ce qui concerne Osama Ben Laden, nous n'avons pas de raison de penser qu'il a été tué ou capturé et nous ne savons pas en ce moment même où il se trouve. Il peut encore se trouver dans la zone que les forces de l'Alliance de l'Est sont en train de nettoyer. Il peut être ailleurs, on ne sait pas. Bien sûr, nous voulons Osama Ben Laden et le président Bush a dit que nous l'aurions. Cette semaine, la semaine prochaine, que ça prenne un ou deux ans, nous l'amènerons devant la justice ou c'est la justice qui viendra à lui. Qui est responsable de cet échec? On apprendra plus tard que malgré les demandes de renfort de la CIA et des commandos, la hiérarchie militaire américaine a refusé d'augmenter les effectifs sur place. Ben Laden a-t-il été protégé par certains des chefs miliciens afghans? Car tout de même, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu passer entre les mailles du filet sans aide. À partir de décembre 2001, Ben Laden redevient ainsi une ombre, un fantôme qui ne laisse aucune trace. Alors, est-il en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Pakistan? De temps à autre, en plus du bruit des bombes et des attaques suicides, des messages vidéo et audio de Ben Laden sont transmis puis diffusés par les chaînes du monde entier. George Bush, lui, poursuit sa guerre contre les pays de ce qu'il appelle l'axe du mal et envahit l'Irak dès 2003. Bagdad tombe, Saddam Hussein s'enfuit, mais sa traque ne dure que quelques semaines. Le 12 décembre 2003, on annonce à la presse la capture du dictateur irakien. Bien, mais Ben Laden, devant les caméras de la chaîne et ABC, George Bush reste confiant. « On l'aura », dit-il. Oui, sauf que les mois passent, les budgets de guerre augmentent toujours, mais rien, toujours rien. Pendant la campagne présidentielle de 2004, la fuite de Ben Laden devient même l'un des sujets de friction entre les deux candidats. L'ennemi public numéro 1 s'invite d'ailleurs dans le débat. Le 29 octobre 2004, une nouvelle vidéo du chef d'Al-Qaïda est diffusée. Je m'adresse au peuple américain. Je vous parle des causes et des conséquences du 11 septembre 2001. La liberté fait partie de la vie, et les gens libres ne veulent pas vivre sans leur liberté. Bush vous ment quand il dit que nous détestons la liberté. Si vous vous en prenez à notre liberté, nous détruirons la vôtre. Quelques jours plus tard, George Bush est réélu. Durant ce second mandat, il poursuit les opérations militaires en Afghanistan et en Irak. Al-Qaïda aussi continue ses attentats. Erbil, Madrid, Londres, Bali, Bagdad, Bombay, Casablanca enterrent leurs morts. Durant ces années, certains, dont de hauts responsables du renseignement, sous-entendent que Ben Laden est sans doute mort. Les messages vidéo ou audio ne seraient qu'une façon de le faire vivre. Est-il vivant? Poursuit-on un fantôme? En 2008, lors d'une nouvelle campagne présidentielle, le candidat Barack Obama promet de trouver. If we have Osama bin Laden in our sights, and the Pakistani government is unable or unwilling to take them out, then I think that we have to act, and we will take them out. Nous savons qu'Osama Ben Laden est au Pakistan, mais le gouvernement de ce pays ne sera pas capable ou ne voudra pas l'attraper. Alors, je pense que nous devons agir, et nous allons le faire, vient de dire Barack Obama. La traque de Ben Laden sera-t-elle son fardeau ou sa plus belle victoire? Le 6 novembre 2008, deux jours après son élection, le directeur du renseignement Mike Connell rencontre le nouveau président pour l'informer des dangers qui pèsent sur le pays. Certes, il y a les zones de conflit, l'Irak où plus de 160 000 soldats américains sont engagés, ou l'Afghanistan où ils sont plus de 38 000. Mais les menaces les plus fortes viennent de pays instables, comme le Pakistan qui dispose d'un arsenal nucléaire et d'une centaine d'armes. De plus, on pense qu'Osama Ben Laden pourrait avoir trouvé refuge dans les zones tribales frontalières avec l'Afghanistan, dont l'autorité échappe au gouvernement. Le Pakistan fait-il tout pour détruire ses zones et ses groupes? Selon le directeur du renseignement, ce pays est un allié déloyal, maniant le double jeu de façon permanente. Sous l'administration Bush, ces zones ont été le théâtre d'opérations clandestines, notamment de frappes aériennes. Obama, lui, refuse la duplicité du Pakistan et change de stratégie diplomatique, d'abord, mais aussi militaire, avec l'envoi de renforts à la frontière afghane ainsi qu'au sein des équipes de renseignement. Et là, le vent tourne. Grâce au temps, aux moyens mis en place et sans doute aussi grâce à la chance, une piste prend de l'épaisseur. Ben Laden n'utilise ni téléphone ni Internet. Pourtant, il garde la main et continue toujours à transmettre des messages. Mais comment arrive-t-il à communiquer? Qui sont les messagers? De nombreux fidèles et proches du leader terroriste ont été faits prisonniers à Guantanamo. Là-bas, dans cette zone de non-droit, ils ont été interrogés, torturés. Les informations obtenues sont parcellaires, contradictoires, mais un nom revient. Ahmed Al-Kuwaiti. L'homme est localisé à Peshawar, en Pakistan. En 2010, on intercepte l'une de ses conversations téléphoniques où il dit « Je travaille à nouveau pour les gens avec qui j'étais avant. » Qui sont ces gens? S'agirait-il de Ben Laden? Un analyste, même une analyste, se met en quête de rassembler le puzzle autour de la cible, ses habitudes, ses contacts. Et c'est ainsi qu'elle tombe sur cette résidence située à Abbottabad. En octobre 2010, une cartographie détaillée des lieux est réalisée. On distingue alors deux murs d'enceinte avec deux solides portails. La propriété fait plus de 4000 mètres carrés de surface. Les fenêtres sont teintées, il n'y a ni ligne téléphonique, ni connexion Internet. Dans le quartier, on ne sait pas vraiment qui vit ici. Sur les images satellites, un homme en tout cas intrigue les analystes. Chaque jour, il sort dans la cour intérieure et fait les 100 pas. Est-ce Ben Laden? Peut-être. En janvier 2011, les probabilités de la présence du chef terroriste à Abbottabad augmentent quand l'un des responsables de l'attentat de Bali est arrêté dans la même ville. Al-Qaïda est donc bien présent ici. Alors tout s'accélère. Un plan est étudié, une équipe est formée. Le 29 avril 2011, Barack Obama donne son accord. Deux jours plus tard, le 1er mai, l'opération Geronimo est lancée avec à son bord Mark Owen. 10 minutes. 6 minutes. 1 minute. Le chef de bord a fait glisser la portière. Le vol depuis Jalalabad nous avait pris 1h30 et nous allions arriver bien après minuit. Il faisait un noir complet en dessous. Aucune des maisons alentour n'était éclairée. Tout se passera-t-il comme prévu? لتسنيت ليد الشكوى ينايا ورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان ديني ريساس تنقم تكتفو تمي ديوان لتسنيت ليد الشكوى ينايا ورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان Le régime du moteur a changé et l'hélicoptère a ralenti pour passer en vol stationnaire. L'appareil tanguait pas mal et les pilotes avaient apparemment du mal à le maintenir en position. Mon regard allait du sol au chef de bord. Quelque chose clochait. Soudain, l'hélicoptère a basculé de 90 degrés à droite et j'ai senti mon estomac faire du yo-yo comme sur des montagnes russes. Les rotors se sont mis à hurler. À chaque seconde, l'appareil se rapprochait du sol. D'où j'étais, je voyais la résidence de Ben Laden se précipiter vers moi à travers la portière ouverte. Effectivement, l'hélicoptère se crache. Par chance, la queue de l'appareil est restée coincée en haut d'un mur de l'enceinte. Même si les pales tournent toujours, tout le monde est en vie. Alors, un par un, les membres de l'équipe sautent au sol. La seconde équipe est déposée à l'extérieur. L'opération peut se poursuivre. 24 hommes divisés en deux groupes partent à l'assaut de la résidence. Owen est dans le premier groupe. Avec ses hommes, il détruit le portail, puis se dirige vers la maison annexe, celle où se trouve le messager de Ben Laden. Premier tir, premier mort, le frère d'Al-Kowaïti. Le commando pénètre alors dans les lieux, puis neutralise rapidement le messager. Deux morts, annexe sécurisée. L'équipe poursuit la mission, direction le bâtiment principal. Deux portes, deux entrées, closes, explosion, irruption. À l'intérieur, les assaillants n'entendaient rien. Pas une parole, pas un cri. Selon les renseignements dont ils disposent, il reste deux hommes. Ben Laden, sans doute, au second étage, et son fils, Khalid, au premier. Avec le vacarme de l'accident, les explosions, ils ont eu tout le temps de préparer leur fuite. Alors, chacun est aux aguets et avance, lentement. Là, une tête apparaît. Khalid, lance un cil. La tête repasse, l'homme est abattu. Le commando continue à monter les étages. L'escalier est étroit, surtout avec l'équipement. Nous sommes à moins de 5 marches du couloir. J'entends les détonations étouffées d'un silencieux. L'homme de tête a vu une silhouette apparaître à une porte côté droit du couloir, à 3 mètres de lui. L'homme a disparu dans la chambre plongée dans le noir. L'homme de tête garde son fusil braqué sur la porte. On n'entra pas de loup. Deux femmes se tiennent à côté d'un homme allongé au pied d'un lit. L'homme est là, sans vie. Une balle a détruit une partie de son crâne. Son visage est couvert de sang, comme sa poitrine perforée de toutes parts. S. Ben Laden. Owen garde le silence. Il suit la procédure. Il compare avec les photos, la taille, le visage, le nez. Sa barbe est teinte d'un noir intense, étrange. Il sort ensuite un appareil photo, cadre le visage, puis tourne la tête pour le prendre de profil. Enfin, il écarte sa paupière et zoome sur l'œil. Il réitère l'opération avec un second appareil pour la seconde équipe. Sur le balcon, un membre du commando interroge les femmes et les enfants présents dans la pièce avec l'individu. Comment s'appelle-t-il ? Le Cheikh ? Le Cheikh qui ? L'un des enfants répond : Oussama Ben Laden. Par radio, l'amiral est prévenu, c'est lui qui annonce au président, pour Dieu et le pays, Geronimo, ennemi tué au combat. Au même moment, les équipes rassemblent tous les documents, ordinateurs, notes, cassettes vidéo, audio pour les services de renseignement. Ils prélèvent également les ADN et photographient les lieux et les cadavres. Le corps d'Oussama Ben Laden est empaqueté. L'heure tourne, les autorités pakistanaises peuvent débarquer à tout moment et puis l'accident et les explosions ont réveillé les voisins, dont certains se sont approchés. L'ordre d'exfiltration est donc donné. 40 minutes après l'assaut, le commando quitte les lieux avec des documents et le corps de Ben Laden, direction l'Afghanistan, vers la base américaine. Aux États-Unis, l'information n'est pas encore officielle. À 21h45, la Maison-Blanche annonce une intervention imminente du président. Et Barack Obama déclare : Aujourd'hui, sous ma direction, les États-Unis ont donc lancé cette opération ciblée à Abbottabad, au Pakistan. Mais cette mort ne marque pas la fin de nos efforts. Il n'y a aucun doute qu'Al-Qaïda va tenter de poursuivre ses attaques contre nous. Nous devons et nous allons rester vigilants à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. En un soir comme celui-ci, nous pouvons dire à ceux qui ont perdu des êtres chers à cause d'Al-Qaïda que justice est faite. Justice has been done. À Washington, à Manhattan et dans de nombreuses villes du pays, l'Amérique sort de son lit. Voilà 9 ans, 7 mois et 11 jours que ses citoyens attendaient cette nouvelle. Ben Laden est mort et son corps est, selon les informations officielles, englouti dans les eaux du Pacifique. Depuis l'annonce des présidents et les premiers éléments distillés à la presse, le récit de cet assaut de mai 2011 a été modifié, attaqué, remis en cause. Aujourd'hui encore, plusieurs questions restent en suspens sur l'opération en elle-même, mais aussi sur la vie de Ben Laden durant ces 5 années passées dans cette résidence. Quel rôle ont joué les autorités pakistanaises dans sa fuite, mais aussi dans sa chute? Était-elle au courant de l'opération américaine? Si justice est faite, la vérité sur ces opérations est-elle vraiment établie pour Dieu et pour le pays? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la traque et la mort de Ben Laden. Notre invité Jean-Pierre Filieu, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, votre dernier ouvrage se nomme Le miroir de Damas, sur l'histoire de la Syrie, mais avant celui-ci, vous aviez évoqué l'histoire d'Al-Qaïda et le parcours de Ben Laden dans Les 9 vies d'Al-Qaïda, ainsi qu'une série de bandes dessinées dont vous avez d'ailleurs quelques pages devant vous qui s'appelle Les meilleurs ennemis. Alors, avant de revenir sur la fin de Ben Laden et sa traque, revenons peut-être sur sa vie, car nous l'avons abordée rapidement. Qui est Oussama Ben Laden d'abord et d'où vient-il? Il vient d'une des plus grandes famille d'Arabie Saoudite d'origine yéménite. Il est lui-même né à Jeddah, sur la mer Rouge. Il a eu des rapports à Eclipse avec son père, qui s'explique d'abord par le fait qu'il n'est qu'un des 57 enfants de ce richissime entrepreneur du bâtiment en Arabie, responsable entre autres du grand chantier de la mosquée de la Mecque. Et puis, il y a une histoire, c'est un peu comme dans les contes médiévaux, comme on veut surtout pas qu'il devienne islamiste, radical, on le met dans l'école la plus huppée de Jeddah, mais là il va rencontrer un professeur d'éducation physique qui est un islamiste clandestin et qui va l'enrôler dans son organisation, et il va devenir pour cette organisation le bailleur de fonds qui amène des valises de cash à Peshawar déjà au Pakistan, mais à la frontière de l'Afghanistan, donc pour la résistance anti-soviétique qui s'est levée avec le djihad donc contre l'armée rouge de 1979 à 1989. Est-ce que cette organisation est soutenue et financée également par les États-Unis? Dans la dialectique toujours simpliste hein, du monde coupé en deux, évidemment, on va soutenir les moudjahidines afghans parce qu'ils se battent contre l'ennemi naturel qu'est l'URSS. Oh, c'est même, c'est-à-dire deux choses bien distinctes. Ben Laden lui-même n'a jamais été soutenu par les États-Unis. Il n'avait pas besoin d'être soutenu par eux. Il était branché littéralement sur les réseaux les plus fortunés d'Arabie Saoudite et donc il pouvait compter là-dessus sans aucun soutien américain. En revanche, la CIA et les services saoudiens passent un accord de matching fund, comme on dit, donc de fonds équivalents, où pour chaque dollar mis par les Américains, les Saoudiens en mettent autant, et on aboutit à des sommes absolument effarantes, des milliards de dollars qui sont déversés dans la lutte contre l'armée soviétique en Afghanistan. Mais comme la CIA ne veut pas avoir un de ses agents pris en Afghanistan, eh bien cet argent il va être déversé sur les zones tribales, ces zones de non-droit, donc à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et Ben Laden, lui, va pouvoir monter des réseaux de recrutement, y compris aux États-Unis, de volontaires arabes pour combattre les forces soviétiques. Ben Laden lui-même combattra très peu. Sur 10 années d'occupation soviétique, il se bat pendant 10 jours en 1986. Visiblement, il n'a pas brillé par son ardeur au combat. Des témoins le décrivent allongé sur son lit pris de spasmes intestinaux. Mais malgré tout, de ces 10 jours, son frère, un de ses frères plutôt, un de ses très nombreux frères, va tirer... Un des 57, des 56, enfin, frère et sœur, oui. Va tirer un documentaire de 52 minutes. Donc, rappelez-vous, c'est la préhistoire, hein, c'est avant Internet. À l'époque, la propagande se fait soit par cassette audio, soit par cassette vidéo. Et cette cassette vidéo, à la gloire du djihad, somme toute limitée, de Ben Laden en Afghanistan, va faire de lui un véritable héros dans son pays natal, où il retourne en 1989. Alors, je vous posais la question parce qu'il se dit parfois, et finalement ça rejoint un peu ce que vous dites en tout cas en partie, que Al-Qaïda est une création indirecte. En tout cas, Ben Laden, créature des États-Unis, qui s'est retournée contre les États-Unis. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'on peut le dire au bout du compte? Absolument pas. Il a toujours été très anti-américain. Il a toujours considéré que c'était un pays infidèle. Et son organisation elle-même, il l'a protégée. D'ailleurs, quand il fonde Al-Qaïda, en arabe ça veut dire la base, c'est en août 1988, donc à Peshawar au Pakistan, ni les Américains ni les Saoudiens ne sont au courant. Les Américains mettront plus de 8 ans, il leur faudra la défection en Érythrée d'un cadre d'Al-Qaïda pour comprendre l'organisation à laquelle ils font face. Et quels sont les desseins politiques de Ben Laden? Pourquoi monte-t-il cette structure? Est-ce que c'est pour un djihad global et partout où il peut l'implanter dans le monde? Ou est-ce que c'est lié à un conflit qui était le conflit soviéto-afghan? Il se trouve que, ayant fait de l'aide humanitaire en Afghanistan à cette époque, dans une vallée très exposée, qui est la vallée de la Kunar, j'avais pu voir des Arabes, heureusement pour moi, sinon je serais pas en train de vous parler, je n'ai jamais rencontré ni Ben Laden ni ses adjoints, mais j'avais constaté que, au fond, l'Afghanistan les intéressait peu. L'Afghanistan n'était qu'un théâtre pour une guerre qui, elle, était globale, et pour faire simple, elle sera théorisée dans la dialectique de l'ennemi proche et l'ennemi lointain. L'ennemi proche, ce sont les régimes arabes qu'il faut renverser parce qu'ils ont trahi l'islam. Les régimes laïcs notamment? Pas uniquement. L'Arabie saoudite elle-même aussi, va devenir la cible de Ben Laden après qu'elle ait eu recours aux troupes américaines lors de l'occupation du Koweït par l'Irak, qui marque une vraie rupture entre Ben Laden et le régime saoudien. Ben Laden s'exile à ce moment-là au Soudan. Donc il y a l'ennemi proche, donc les monarchies ou les républiques en place dans le monde arabe. Puis il y a l'ennemi lointain, donc l'Amérique. Et il faut frapper l'ennemi lointain, d'où ce terrorisme qui ira jusqu'au 11 septembre 2001, pour provoquer son intervention sur l'ennemi proche et donc y accroître le chaos. Donc il faut bien voir que dans cette dialectique, les interventions occidentales sont, et c'est d'ailleurs le mot employé par la propagande djihadiste, littéralement bénies, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Alors est-ce que c'est nouveau cette méthode de l'adhésion? C'est-à-dire qu'on peut perpétrer une action, un attentat, sans qu'il ait été directement commandité par Al-Qaïda, mais au nom d'Al-Qaïda. C'est nouveau cette structure-là, qu'on retrouve chez Daesh d'ailleurs? En fait, Al-Qaïda est complètement structuré autour de la personne de son fondateur, donc Ben Laden, qui est aussi le bailleur de fonds. Il faut voir que la plupart des membres d'Al-Qaïda vivent de la générosité de leur émir, c'est-à-dire leur commandant, qui s'occupe de tout, de leur mariage, de leur retour au pays, éventuellement de leur réinsertion. Donc, il y a une très grande rigidité. Alors que Daesh, donc le bien mal nommé État islamique, qui naît de la branche irakienne d'Al-Qaïda après l'invasion catastrophique de ce pays par George W. Bush, eh bien autorise beaucoup plus d'initiatives pour les revendiquer, se les attribuer et ainsi magnifier sa capacité de destruction et de nuisance. Alors, l'affaire devient vraiment sérieuse avec Al-Qaïda lors des attaques des ambassades américaines en Afrique en 1998. Elle devient encore plus sérieuse, évidemment, avec le 11 septembre. À partir de là, commence la traque. En décembre 2001, c'est-à-dire trois mois seulement après les attentats contre le World Trade Center, on sait, avec l'ouverture des archives, que les services de renseignement avaient localisé avec certitude Ben Laden dans la région de Tora Bora. Comment expliquer la fuite ? La fuite s'explique d'abord par la corruption des chefs afghans, notamment celui qu'on a entendu tout à l'heure, qui était sans doute parmi les bénéficiaires de la générosité de Ben Laden, et surtout par le fait que les Américains refusent d'envoyer au sol des commandos. Il en aurait fallu un millier, ils étaient disponibles. Mais il faut se rappeler qu'en 2001, l'Amérique est grisée par la possibilité d'obtenir des victoires sans mort. Sans aucun mort de leur côté. Ils n'ont eu très peu de victimes lors de la libération du Koweït, et ils ont renversé les talibans avec 30 morts. Or là, Tora Bora, ça implique au moins de laisser une centaine de militaires sur le terrain décédé, et donc l'administration Bush refuse et croit qu'après tout, Ben Laden s'est terminé. Et puis surtout, il y a la déviation idéologique. George W. Bush vient de lancer la guerre globale contre la terreur, c'est-à-dire qu'il va globaliser cette menace d'Al-Qaïda, du coup la rendant encore plus terrible. Et au fond, son objectif à lui, comme disaient les Américains, Ben Laden, c'est un petit poisson. Et le gros poisson, c'est Saddam Hussein et l'Irak. Ouais. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, ils veulent à tout prix prouver un lien entre Saddam Hussein et le 11 septembre, lien qui est absolument absent, mais c'est au nom de toute une série de mensonges sur les armes de destruction massive, sur Al-Qaïda, etc., qu'ils vont donc envahir l'Irak en mars 2003. Et c'est une invasion bénie du point de vue d'Al-Qaïda qui va, grâce à cette invasion, s'implanter au Moyen-Orient, ce qui donnera plus tard Daesh. Alors ensuite, Barack Obama est élu, on va voir ce que ça a changé, enfin on sait ce que ça a changé, mais comment le processus s'est mis en place. Nous l'avons raconté dans le récit, l'ombre de Ben Laden plane à chaque nouvelle élection présidentielle américaine. En 2004, Bush avait été réélu, en 2008, c'est donc au tour de Barack Obama, et on va écouter l'un de ses discours importants, alors de tout son mandat, de son premier mandat, c'était celui du cœur, et c'était en 2009. Je suis venu ici, au Caire, pour rechercher un nouveau commencement entre les États-Unis et les musulmans dans le monde entier. Un commencement fondé sur un intérêt commun et un respect commun. Et un commencement fondé sur la vérité que l'Amérique et l'Islam ne s'excluent pas mutuellement et n'ont pas besoin d'être en concurrence. Au lieu de cela, ils se rencontrent et ont en commun des principes communs, des principes de justice et de progrès, de tolérance et de dignité pour tous les êtres humains. Nous devons mener un effort soutenu pour nous écouter les uns les autres, pour apprendre les uns des autres, pour se respecter mutuellement et pour rechercher un sol commun. Des points communs, comme nous le dit le Coran, sois conscient de Dieu et dis toujours la vérité. Quand l'un parle de l'axe du mal, George Bush, l'autre s'adresse au Coran. Donc il y a un changement de doctrine, il y a un changement de discours. Après, il y a la méthode, hein, pour c'est sous Obama que Ben Laden a été tué et arrêté. Mais là, il y a un vrai changement de discours. C'est un basculement fondamental et un discours au Caire majeur, un discours de portée historique. Et surtout, Obama permet aux États-Unis de remporter la guerre contre Al-Qaïda en recentrant la guerre globale contre la terreur qui par définition est sans fin, vu qu'il y aura toujours du terrorisme, contre un objectif précis, l'organisation Al-Qaïda, et contre une personne qui est Ben Laden, il faut voir qu'au même moment, il intensifie les frappes de drones. Aujourd'hui, ça nous paraît banal, mais il faut savoir que c'est à la fin de l'administration Bush, en coordination avec Obama président élu, que les drones deviennent l'arme principale pour éliminer peu à peu les cadres djihadistes. Alors, depuis cette nuit du 2 mai 2011, donc l'arrestation et la mort de Ben Laden, beaucoup de questions restent sans réponse. Comment expliquer que Ben Laden ait pu vivre de 2005 hein, à 2011 dans une résidence, dans une grande ville du Pakistan, à moins que la réponse ne soit dans la question avec la duplicité du Pakistan? Les services pakistanais, donc Inter-Service Intelligence, ISI, ont toujours gardé des relations avec les talibans et avec Al-Qaïda. Il avait vraiment fallu des menaces extrêmement directes des États-Unis en septembre 2001 pour que le Pakistan accepte d'abandonner les talibans. Et d'ailleurs, le président pakistanais avait échappé à plusieurs tentatives d'attentats qui n'avaient pu que bénéficier de complicité très haut placée. Et là, les autorités pakistanaises, enfin les services de renseignement pakistanais, étaient, pensez-vous, au courant d'opérations américaines contre Ben Laden, son arrestation et sa mort ? Absolument pas. C'est d'ailleurs le plus grand défi que rencontrait cette opération, c'est de n'avoir pas de relais local, parce que Washington avait trop peur qu'une fuite au sein des services pakistanais puisse alerter Ben Laden. Et sa mort, son corps, quel est le sens de cette décision de le jeter dans le Pacifique? C'est une décision de lâcheté qui a malheureusement été prise par Barack Obama, qui avait mené cette opération avec beaucoup de courage. L'Amérique n'a pas osé regarder en face la mort de son pire ennemi. Elle l'a noyé, l'a fait disparaître. Toutes les explications qui ont été données depuis ne tiennent pas devant le fait que, même après sa mort, Ben Laden donnait l'impression de faire encore peur à l'Amérique. Et pourquoi Obama avait-il peur de regarder cette mort en face pour ne pas attiser les passions djihadistes, attiser le feu, voilà. Aucune des justifications, à mon avis, n'est recevable. L'idée que sa tombe pourrait devenir un lieu de culte, l'idée que si on l'enterre dans un lieu inconnu, alors on laissera courir le mythe. On a eu l'impression qu'ils ont voulu s'en débarrasser et qu'effectivement, justice n'a pas été rendue dans un tribunal, ce qui est regrettable et parfaitement compréhensible, mais qu'en revanche, l'Amérique a prouvé que l'ombre de Ben Laden continuait à la hanter. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui combien Daesh a pu reprendre à son compte avec une énergie renouvelée cette capacité de paralysie de l'Amérique dans ses décisions internationales. Effectivement, 4 ans plus tard, un nouveau mal est apparu, l'État islamique avec son chef al-Baghdadi. Je vous propose d'écouter un extrait du discours qui annonce la création du califat en juin 2014, suivi d'un extrait de l'une des premières interventions de ce al-Baghdadi. Donc voici le drapeau de l'État islamique unifié, flottant haut et projetant son ombre d'Alep à Diyala. Et en dessous de lui, le mur des oppresseurs est détruit et leur drapeau abaissé. Et donc l'État islamique a décidé avec les anciens, les émirs et la choura de l'État islamique d'annoncer l'établissement du califat islamique. Et l'État a désigné en tant que calife le cheikh djihadiste, imam et descendant de la maison du prophète Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Et il a accepté la proposition et devient ainsi l'imam et le calife des musulmans partout. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Al-Baghdadi est-il un héritier de Ben Laden, ce qui sous-tend une autre question. Quelles sont les différences de stratégie entre l'État islamique et Al-Qaïda ? Bien, d'une certaine façon, Daesh, le bien mal nommé État islamique, est une Al-Qaïda qui a réussi une implantation territoriale sans aucun protecteur, alors que Ben Laden dépendait toujours des talibans, et qui a pu projeter, on le voit dans le monde entier, sur les 5 continents, une terreur sans précédent en termes de dissémination. Mais on voit en même temps que le mensonge s'aggrave. Ben Laden, ses antécédents familiaux étaient connus. Ceux d'El-Baghdadi, le soi-disant calife, ben on prétend, vous l'avez entendu, qu'il est descendant de la famille du prophète, ce qui est complètement abracadabrantesque. Mmh. C'est un imam de Samara, au nord de Bagdad. L'autre différence, c'est que, à la différence de Ben Laden, qui n'avait jamais achevé ses études de gestion, Baghdadi, lui, est un imam qui parle un arabe religieux relativement châtié, ce qui donne effectivement à ses prêches un écho plus respectueux. Et il y a des différences idéologiques, religieuses, enfin sur le fond, parce que sur la forme, oui, c'est le djihad avec les cibles qui sont essentiellement des cibles, enfin pas essentiellement, qui sont à la fois des cibles occidentales et d'autres musulmans qui pensent pas comme eux. Mais est-ce qu'il y a sur le fond une différence idéologique et religieuse? L'écrasante majorité des victimes d'Al-Qaïda comme de Daesh sont des musulmanes et des musulmans. Ça n'a pas changé. Quand Daesh est proclamé à Raqqa, dans la ville syrienne de Raqqa, en avril 2013, ça provoque une rupture avec Al-Qaïda, qui est aujourd'hui dirigée par l'ancien adjoint de Ben Laden, l'Égyptien Ayman Zawahiri, dont vous constaterez facilement qu'il fait très peu parler de lui. La rupture, elle se fait du fait de la nature totalitaire de Daesh, et cette nature totalitaire, elle est à la fois dérivée d'Al-Qaïda, mais aussi, c'est un paradoxe que je souligne souvent, du régime de Saddam Hussein, du Baas, soi-disant laïque de Saddam Hussein. Alors on rappelle le parti Baas qui avait porté Saddam Hussein au pouvoir en Irak et Hafez al-Assad en Syrie, hein, c'est le même. Tout à fait. Mmh. Et en fait, Saddam avait un fonctionnement, une doctrine totalitaire, et la plupart des cadres aujourd'hui de Daesh sont d'anciens officiers de l'armée de Saddam, pour qui la religion est fort peu importante. Les révolutionnaires syriens qui ont éliminé, sans savoir au début l'importance de cette cible, Haji Bakr, le stratège de Daesh, n'ont trouvé dans sa maison aucun tapis de prière, aucun livre religieux. En revanche, des tonnes et des tonnes de rapports de type police politique. Merci, ce sera le dernier mot, Jean-Pierre Filliu. Merci infiniment pour tous ces éclairages. Et je rappelle le titre du livre qu'il faut lire sur le sujet précis, sur Al-Qaïda. Bah, votre livre qui s'appelle « De vie d'Al-Qaïda » chez Fayard. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la mort de Ben Laden, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.